de représenter Solange, pour toi du moins, et pour la famille, je crois aussi. Là où j'aimerais vous conduire, c'est là où les décisions que Solange a prises dans sa vie et qui ont fait qu'elle est ce que vous avez connu d'elle, ce qui a influencé vos vies, ce qui va probablement rester dans vos cœurs pour le restant de vos vies. C'est là où j'aimerais vous amener. C'est là où Solange, elle a mis sa foi. C'est ce qui a fait qu'elle a changé. Et c'est ce qui a fait qu'elle a un impact dans notre vie. La mort. Quel mot affreux, troublant, méprisable. Juste à y penser, ce mot inspire la crainte, le désespoir, donne des frissons dans le dos. Chacun de nous hésitons même à le mentionner, tellement il fait mal et tellement il nous rappelle des souvenirs douloureux. Pourtant, il fait partie de la vie courante, de tous les vocabulaires du monde. Chaque peuple possède dans sa langue ce mot, mort, et chaque peuple en constate les dégâts et la dure réalité. Comment se fait-il que la mort fasse partie de la vie de tous les jours, de nos vies? N'avions-nous pas été créés pour vivre éternellement, comme Dieu vit éternellement? Dieu a créé un homme et l'a placé dans le jardin des délices, qu'on appelle l'Éden. Il lui a donné cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce passage que nous venons de voir qui, pour la première fois, apparaît dans toute la Bible et qui parle de la mort. Cette mort est reliée à un ordre donné par Dieu et à un jugement comme résultat du non-respect de cet ordre. Que s'est-il passé par la suite une fois que l'homme a entendu cet ordre? Satan, le menteur, le père du mensonge, est venu dans ce jardin et a séduit Ève. Il lui a posé une question piège. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Elle lui a répondu, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quelles conséquences pensez-vous que cela a eu sur Adam et sur sa femme? Suite à cette désobéissance, n'oublions pas que Dieu a donné un ordre. Suite à cette désobéissance, à cet esprit d'indépendance face à Dieu, Adam et Ève ont connu la honte d'avoir offensé Dieu. La peur liée à ce que Dieu ferait, et ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Dieu leur a donné à chacun, à Satan, à Ève, puis à Adam, une condamnation terrestre, malédiction pour Satan, souffrance de la grossesse augmentée pour la femme, travail pénible, épine et ronce comme résultat de son travail pour l'homme. Finalement, Adam retournerait dans la terre d'où il a été pris. Car, dit Dieu, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Toutefois, Dieu, dans sa grâce, leur a fait la promesse qu'un jour viendrait quelqu'un de leur postérité, de leur descendance, qui écraserait la tête de Satan, ce serpent menteur, et que cet homme-là, ce quelqu'un, aurait une victoire définitive et totale sur Satan, sur lui. Cet homme, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu fait homme. Dieu, comme conséquence, Dieu les a chassés du jardin. Leur communion parfaite avec leur Créateur a été brisée. Dieu les a séparés de lui. Ils sont morts dans leur communion avec Dieu. Spirituellement, ils sont morts. Et des années plus tard, Dieu a appliqué le jugement qu'il avait déclaré à Adam et Ève. Ils sont morts physiquement. Par le fait même, la mort vient d'entrer dans le monde. Et voici ce qui est écrit. Comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification d'un seul homme, par la justification qui donne la vie, excusez-moi, s'étend à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, car après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup? Ce don gratuit de Jésus devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Ce que dit ce texte, c'est que toute personne qui reconnaît qu'il a, comme Adam, offensé Dieu, c'est-à-dire qu'il lui a désobéi, qui a refusé de se soumettre à sa volonté, qui a péché, à cause de ce péché, le jugement de Dieu vient sur lui, et ce jugement a pour conséquence la condamnation, donc la mort. Mais ce que dit aussi ce texte, c'est que toute personne qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice règnera dans la vie par Jésus-Christ. Comment cela est-il possible? Par l'obéissance totale, parfaite, de Jésus comme homme et le don de sa vie pour chacun de nous à la croix, toi qui m'écoutes peux obtenir justice, c'est-à-dire être déclaré, malgré toutes les offenses que chacun de nous on peut avoir fait et dont Dieu est témoin. Nous pouvons être déclarés non coupables devant Dieu, exemptés de la condamnation éternelle à cause du sacrifice de Jésus. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu dit c'est par grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et c'est un don qui vient, ce n'est point par nos œuvres, c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Solange a entendu parler de Jésus. Elle a cru. Elle l'a accepté pour elle-même. Et Jésus la déclare juste, sans tache, irrépréhensible, et quoi que vous ayez vu dans sa vie. Il n'y a plus de condamnation pour elle. Elle a reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est un choix personnel. C'est dans l'espérance de la vie éternelle, d'être avec Jésus pour l'éternité, dans la pleine conviction d'être entièrement pardonné de tous ses péchés qu'elle a vécu plusieurs années, et ce malgré la souffrance reliée à de nombreuses maladies. Solange a déclaré un jour à Dieu être coupable de l'avoir offensé et de lui avoir désobéi, d'avoir marché selon sa propre volonté, les convoitises de sa chair et selon ses pensées. Elle a reconnu qu'elle était morte par ses offenses et par ses péchés, et vivant selon le train de ce monde. Elle a demandé pardon à Dieu de l'avoir offensée. Elle a accepté que, par la seule offrande de sa chair, Jésus la libérait parfaitement de son péché. Alors que Jésus mourait sur la croix, il portait sur lui les péchés de Solange, les miens et ceux de tous ceux qui sont dans cette salle et de tous ceux qui ont passé sur cette terre. Jésus subissait à notre place la colère de Dieu due à ce qu'on l'ait offensé, la séparation d'avec son Père, l'épargnant, elle, Solange, et tous ceux qui croient en Jésus, de la colère de Dieu qui est à venir. Solange a accepté par la foi l'abondance de la grâce, ce cadeau que personne ne mérite, et l'abondance du don de la justice qui vient par Jésus. Solange était, depuis le jour où elle a cru en Jésus, entièrement libre de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté tous les jours de sa vie. C'est ce que plusieurs d'entre vous avaient constaté dans la vie de Solange, notre sœur bien-aimée. Son amour pour son Créateur, son Dieu, son Sauveur, Jésus-Christ, a suscité chez elle une profonde reconnaissance, une profonde adoration, une profonde joie et une profonde assurance face à la maladie et face à la mort. J'aimerais vous raconter une expérience de vie que personnellement, avec Michel Coriati, on a vécu avec Solange. En 2011, alors que Solange ne se sentait vraiment pas bien, en fait, elle avait le zona, elle était dans son appartement, elle nous demande d'aller la visiter chez elle, de prier pour elle et de prier avec elle, et de l'oindre d'huile, selon ce que Dieu nous demande envers les malades. Nous y sommes allés, et on a parlé avec elle de ce qu'elle vivait. Elle nous parle de son passé, son mariage, ses enfants, les voyages qu'elle a vécu. Elle nous parle de sa vie actuelle, ce qu'elle aime, ce qu'elle croit, ce qu'elle veut vivre. Et elle nous parle de la bonté de Jésus, que Jésus lui manifeste jour après jour. Elle est malade, n'oubliez pas ça. L'abondante grâce qu'il lui donne de passer au travers ses souffrances, ses difficultés. Sa force est en Jésus. Avant de la quitter, elle nous demande de prier avec elle. C'était le but de notre visite. Et on prie avec elle. Mais voici ce qui se passe. Elle quitte son fauteuil. Elle s'avance vers nous. Elle se met à genoux. Et nous prions ensemble. Malgré son âge avancé, rien ne te retenait cette sœur bien-aimée d'adorer à genoux son Sauveur, de se soumettre à sa pleine volonté, quoi qu'il arrive par la suite. Cela nous a beaucoup touchés. En fait, personnellement, j'ai été profondément touché. Son adoration pour son Créateur, sa foi dans la prière, son humilité dans son attitude, son assurance en Dieu pour sa vie, comme pour sa mort, était évident. C'était édifiant. Il est bon de côtoyer des personnes comme elle qui craignent Dieu et ce que Dieu est pour elle, et qui aiment Jésus pour ce qu'il a fait pour elle ou pour nous. Solange savait hors de tout doute que Jésus avait totalement et parfaitement pardonné tous ses péchés. Elle allait au ciel, c'était une garantie, une assurance complète dans son cœur, et pour elle, ça ne lui a rien coûté. Ça l'a coûté quelque chose à Dieu, mais pas à elle. Dieu dit par une seule offrande. Jésus a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Elle pouvait s'approcher avec un cœur sincère, avec assurance de son Dieu totalement libre de toute condamnation. Le témoignage que nous laisse Solange, c'est celui-ci. Un témoignage de foi, d'abord, en un Dieu qui peut toutes choses. Un Dieu si bon, si compatissant pour elle, si aimant qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périt pas, mais qu'il a la vie éternelle, et ça commence maintenant. Elle me laisse, elle nous laisse un témoignage de joie. Ça a été mentionné tantôt par sa fille et son petit-fils. Malgré la souffrance, malgré l'incertitude du temps qu'elle passerait sur la terre, elle était restée calme, confiante et sereine jusqu'au bout. Sa foi est en un Dieu inébranlable, qui ne change jamais. Elle nous laisse aussi un témoignage de croix. Elle a accepté ce que Dieu avait pour elle. Malgré toutes ces épreuves, elle est restée persévérante et patiente, fortifiée à tous égards par la puissance glorieuse de Dieu. C'est lui sa force. Elle a porté sa croix tous les jours de sa vie et a suivi Jésus. C'est ça que vous avez vu dans sa vie. Ce qui a toujours gardé Solange confiante en Dieu, est basé sur la promesse que Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » C'est à toi aujourd'hui que Jésus pose cette question-là. Est-ce que tu crois cela, que Jésus est la résurrection et la vie, et que si tu crois en lui, tu vas vivre même si tu es mort, même si tu meurs, même si Solange se retrouve dans une boîte, son corps, c'est là qu'il est. Crois-tu que Dieu t'aime au point où il a donné son Fils unique, afin que si tu crois toi en lui, tu aies toi-même la vie éternelle, que tu ne viennes jamais en jugement, et mais que tu passes aujourd'hui même de la mort à la vie. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Et que nul ne vient à Dieu, au Père, que par lui. Qu'il est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est ce que Dieu affirme. Crois-tu que tu as personnellement offensé Dieu en marchant selon tes propres convoitises, tes propres désirs, selon ce que ton cœur te soumet, ce que ton cœur veut, sans tenir compte même de ce que Dieu dit? Reconnais-tu que tu es pécheur, que tu as offensé Dieu, et qu'à cause de cela, on est condamné, tu es condamné comme j'étais condamné, et que je vais mourir. Mon corps, un jour, va mourir. Mais ça s'arrête pas là, je vais y venir. En fait, on doit reconnaître que notre péché, comme celui d'Adam au début, l'a séparé de Dieu. Il a été mis en dehors du jardin. Bien qu'il était vivant sur la terre, son âme était morte. Elle avait besoin d'être changée. Elle avait besoin que Dieu lui donne la vie. Solange, elle a cru cela. Elle a cru que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. En fait, je vous dirais clairement aujourd'hui, si vous voulez revoir Solange, prenez ce chemin. Parce qu'il est le seul. Il est le chemin, c'est Jésus. Si tu crois ce que je viens de dire, dans ton cœur, confesse ta faute à Dieu. Dis-le-lui maintenant, puis tu n'as pas besoin de mots extraordinaires pour le convaincre. Il n'aime pas ça être impressionné. Fais juste lui dire ce que tu ressens et fais juste lui dire clairement comment tu l'as offensé. Demande-lui pardon d'avoir désobéi à ses lois, de l'avoir offensé, d'avoir agi jusqu'à ce jour dans un esprit d'indépendance face à sa volonté. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Reçois Jésus comme étant le seul capable de pardonner tes péchés, de les effacer totalement, ni plus ni moins devant Dieu, mes péchés, ceux de Solange, ceux de tous ceux qui ont cru, ne figure plus jamais. Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est réglé devant Dieu. Et comme Solange vit et croit en Jésus pour le reste de ta vie, selon la promesse que Dieu te fait, tu vivras même si tu meurs physiquement. Mais si tu n'acceptes pas ce que je viens de te dire, je me dois, je suis dans l'obligation de vous dire ce qui va se passer. Il n'y a plus aucune offrande pour le péché. Elle a été faite. Jésus a donné sa vie pour nous. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, aucune autre action de ta part ne te donnera la vie éternelle, ne te réconciliera avec ton Créateur, ne t'ouvrira le ciel. Un seul chemin mène à Dieu, Jésus. Jésus, donc, pour toi, si tu ne reçois pas ce que je suis en train de te dire, c'est que Jésus, en fait, il va être mort sur la croix en vain. Pour rien. Personne d'autre que lui sur cette terre ne pourra te donner la vie éternelle. La vie même après la mort. Je te rappelle que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Après qu'il a souffert, il est apparu vivant aux apôtres et leur en a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus est venu du ciel, il a été parmi nous sur la terre, il a souffert, il a volontairement donné sa vie pour nous, et après la résurrection, sa résurrection, il est retourné auprès de son Père. Sa place, c'est là, à la droite de Dieu. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Celui qui croit au Fils, à Jésus, a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Accepte donc toi aujourd'hui d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour toi, pour enlever ton péché. Solange l'a fait. Bien que morte physiquement, durant sa vie, par ses paroles, ses actes, sa louange, son adoration, elle t'a montré la réalité de Dieu et de sa foi en lui. Je t'invite à faire comme elle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Solange pouvait dire à la fin de sa vie, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien devant Dieu. Pourquoi? Elle est lavée, pure, sans tache, irrépréhensible. Dieu maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et Solange pouvait dire ça, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mourir, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Pourquoi? Parce que celui qui croit, il s'en va auprès de Dieu. Son âme vit éternellement. Elle s'en va dans la présence de Dieu. Celui pour lequel j'ai cru, celui pour lequel j'ai souffert, celui pour lequel j'ai témoigné. Elle peut dire aussi, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et oui, Jésus-Christ a une couronne pour elle. Le Seigneur Jésus, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, même si Solange était là, elle vous le dirait. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé que Jésus-Christ revienne pour nous prendre avec lui. En effet, pour celui qui a reçu le pardon de ses péchés à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix, mourir, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. T'es plus confronté à la souffrance. T'es plus confronté à la misère, t'es plus confronté au désespoir, t'es plus confronté à tout ce qui se passe de mal autour de toi et qui t'agresse. Mourir, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver si tu crois en Jésus et si t'as accepté d'être réconcilié avec lui. Sinon, tu vas vivre loin de lui pendant toute l'éternité. Et tu vas souffrir en plus dans un corps. S'il vous fait souffrir votre corps maintenant, la suite des temps, c'est encore pire, sans Jésus-Christ. Solange, comme tous les croyants morts avant elle, attend avec joie la résurrection des corps, la résurrection des morts, et son ascension vers Jésus, son Seigneur et son Dieu. Fait que même si elle est là, ou son corps est là dans une boîte, en poussière, comme Dieu l'avait dit, même si c'est là, Dieu va lui donner un corps glorieux, et il va le donner à tous ceux qui croient. Et c'est ça que moi j'espère. Celui que vous voyez là, il sera pas le même. Heureusement, je serais même pas habillé comme ça. Mais tout ce qui me fait souffrir dans mon corps, dans ma chair, ça va avoir totalement disparu. Parce que Jésus-Christ nous réserve un corps glorieux. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que chacun de vous désire ce corps glorieux-là? Un seul chemin. Jésus, le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Je bénis Dieu d'avoir connu Solange. En fait, je l'ai côtoyé seulement durant les 15 dernières années. Et comme vous qui l'avez côtoyé de proche, elle vous a édifié. En fait, elle a voulu susciter dans votre cœur la foi en Dieu et vous rappeler toujours qu'il vous aime. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler aujourd'hui, en son nom à elle, pour que vous croyiez au Fils de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.